Besoin d'infos, envie de retrouver un titre diffusé, découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Les tartes claquent. Les lumières s'éteignent. C'est backstage. Backstage. Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Eh ben, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 10h30, Scream, pour l'émission Backstage. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un grand groupe, et là, on va passer sur un album qui est sorti en 1987, et comme à l'accoutumée, on va vous jouer un extrait, pour ceux qui n'ont pas suivi sur la page Backstage sur Facebook, vous ne savez pas quel album on va vous faire découvrir. Et pour ceux qui ont suivi, vous savez de quel album je vais vous parler aujourd'hui. Sinon, on va vous laisser un petit peu essayer de trouver, à mon avis, directement, parce que je suis un album avec la première chanson de l'album automatiquement. Donc c'est un tube phénoménal. Le déjà rien que le premier titre, donc vous allez normalement pouvoir trouver. Et après, on commencera avec le petit briefing de ce groupe, les origines et tout ça, et on continuera comme à l'accoutumée. Donc voilà, premier extrait, c'est maintenant, c'est tout de suite, vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM, c'est parti. Started shaking and I can't take no more. Need to go so Alors, je ne sais pas si vous avez découvert, enfin, ou voilà, vous connaissez déjà peut-être ce groupe, hein, avec un album là qu'on va vous parler qui est 1987, qui s'appelle 1987 ou tout simplement Whitesnake. Voilà, il s'agit bien entendu du groupe Whitesnake, l'album de tous les succès pour ce groupe. Hein, alors voilà, on est parti, on rentre dans le vif du sujet. Pays ben, de Whitesnake, ben, c'est le Royaume-Uni, le genre de musique. Ben là, c'est un peu, il y a beaucoup de styles différents pour Whitesnake, hein, du hard rock, ça passe au glam rock, au blues, au rock, au heavy metal, au pop metal. Ils existent depuis 1977, donc 1977, jusque maintenant. Ils sont passés encore il n'y a pas longtemps du côté de Courtrai. Ils sont sur le label Geffen Records et le site officiel whitesnake.com. Whitesnake est un groupe de hard rock britannique originaire de Middlesbrough dans le Yorkshire. Le groupe est formé en 1977 par le chanteur David Coverdale, ex Deep Purple, et est d'abord connu, il a d'abord connu le succès en Europe et au Japon avant de remporter un succès commercial retentissant aux États-Unis au milieu des années 80. David Coverdale est le seul membre permanent du groupe qui connut de très nombreux changements de musiciens durant leurs premières années. Leur musique était un hard rock orienté vers le blues. Les albums Ready of the Willing ou Come on Get It sont d'ailleurs des classiques de hard blues. Par la suite, leur musique a progressivement pris une nouvelle direction avec un son heavy metal parfois proche du glam rock. La formation en 1978, David Coverdale forme Whitesnake en 1978 à Melsburg, Cleveland, au nord de l'Angleterre. La formation travaille sous le nom de The Whitesnake Band. Sur l'album Whitesnake en 1977 et sur sa tournée, il tourne avec Coverdale et participe à ses deux albums Whitesnake en 77 et North Wind en 78. Entre son départ de Deep Purple et son entrée au sein de Whitesnake, à cette période, le groupe se compose de David Coverdale, Bernie Marsden, Mickey Moody, Neil Murray et du batteur David, alias Duck Dowles, et le claviériste Brian Johnstone. Johnstone est ensuite remplacé par Procol Harum et le claviériste de Pete Soli. Voilà, donc là vous avez, on a mis les pieds dans le plat, comme on dit, hein, au 78. On peut dire on a les racines de Whitesnake, hein. Pas mal quand même quand on voit notamment que le claviériste de Procol Harum, Pete Soli, vient rejoindre Whitesnake et tout ça. Donc les racines sont quand même là. Un ex Deep Purple est là pour s'occuper du groupe. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une longévité. Tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu des ex-membres de Whitesnake. Mais je ne pourrai pas les énumérer toutes et tous parce qu'il y en a énormément. C'est un des groupes de hard rock. Moi, j'aime pas dire des classifications comme glam, hard rock, blues, heavy ou quoi, où c'est difficile de les compter tellement il y a eu de passages de guitaristes, de batteurs, enfin, voilà quoi. Alors là, on va s'écouter le deuxième extrait de l'album 1987 de Whitesnake, ou si vous préférez Whitesnake tout simplement, hein, qui pour moi est un des meilleurs albums de Whitesnake. On va s'écouter Bad Boys, c'est tout de suite, c'est maintenant les amis. You know me. Voilà, on ne sait pas si c'est des mauvais garçons quand même, les Whitesnake, Bad Boys. C'était le deuxième extrait donc, de cet album, donc Backstage, consacré à l'album 1987 des Whitesnake. Début et succès de 78 à 83. Whitesnake enregistre l'EP Snakebite qui est publié en 1978 et qui comprend une reprise de la chanson Ain't No Love in Hearts of the City de Body Blues Blend. Leur premier hit orienté New Wave of British Heavy Metal qui atteint les classements musicaux. L'EP a quelques succès au Royaume-Uni et plus tard réédité accompagné de 4 chansons bonus issues du deuxième album solo de Coverdale, Nightwing, en 1978, produit par Roger Glover. Leur premier album studio orienté blues rock, Trouble, est publié en automne 1978 et atteint la 50e place en Angleterre, pardon, au UK. L'album chart Whitesnake tourne en Europe en soutien à l'album et leur premier album live at Hammerfest est enregistré à cette tournée et est publié au Japon en 1979. Whitesnake publie Love Hunter en 1979 qui fait polémique à cause de sa couverture réalisée par Chris Achilios représentant une femme nue flirtant avec un serpent. L'album atteint le top 30 britannique y comprend la chanson à un petit succès, Long Way From Home, qui atteint la 55e place du classement. Peu après, Ian Peace, donc Deep Purple, intègre le groupe et remplace Dave Dole. La nouvelle formation enregistre l'album Ready and Willing en 1980 qui atteint le top 10 britannique et qui fait pour la première fois son entrée au top 100 américain. Le single Fool for Your Loving que le groupe a écrit pour B.B. King atteint la 13e place des classements britanniques et la 53e au classement américain. Pendant la tournée Ready and Willing, le groupe participe au Reading Festival en 1980 qui sera diffusé en live sur BBC Radio 1 au Royaume-Uni. Toujours méconnu aux États-Unis, le succès modeste de Ready and Willing en 80 donc toujours aide Whitesnake à attirer l'intérêt général et à ouvrir pour des groupes comme Jethro Tull et AC/DC. Le groupe publie aussi Live in Hearts of the City qui comprend des chansons enregistrées entre 78 et 80 au Hammerfest Odeon de Londres et atteint la 5e place des classements britanniques. En 1981, le groupe enregistre l'album Come On Get It qui atteint la 2e place des classements britanniques. Au retour de David Coverdale dans la musique, il reforme le groupe et après les enregistrements de l'album Sand and Sinner 1982, remplace Bernie Martsen, Ian Peace et le bassiste Neil Murray avec Mel Gailey de Trapeze, le bassiste Colin Hutchinson et le batteur Cozy Powell qui a joué aussi entre autres avec Ozzy, voilà. Sun and Sinner atteint le top 10 britannique et comprend la chanson Here I Go Again qui fait participer le claviériste Malcolm Birds du groupe local Pegasus. La nouvelle formation joue entre 82 et 83 comme notamment au festival Monster of Rock de Castle Dominton en août 83. Et le single Guilty of Love atteint la 31e place des classements britanniques. Donc vous voyez déjà avec quelques années, 3 ans, on se rend compte déjà qu'il y a quand même pas mal de changements de line-up dans ce groupe. Là, on va s'écouter le troisième extrait. Give me all your love. C'est parti, c'est sur RQC 95FM. I'm Give me all your loving, voilà, toute une histoire. C'était le troisième extrait, bien entendu, de l'album 1987 de Whitesnake, intitulé du même nom, 87, ou tout simplement Whitesnake, c'est comme vous préférez. Et après, je vous dirais, il y a même un autre nom pour cet album au Japon, voilà. Comme ça, ben, vous en saurez un peu plus sur ce fameux album qui, pour moi, est le meilleur des Whitesnake. Mais bon, ça, c'est les goûts de tout un chacun. Popularité et nouveau style musical de 83 à 85. En fin 83, le groupe enregistre Slide It In, qui est publié en Europe au début 84. Il s'agit de leur quatrième album à atteindre le top 10 britannique. À cette période, le groupe signe un contrat avec le label Geffen Records. L'album Slide It In de 84 est accueilli de manière mitigée, notamment à cause de son mix plat. Le groupe en tournée remplace Maudy avec l'ancien guitariste de Thin Lizzy, John Sick, et assiste au retour du bassiste Neil Murray. Le producteur David Geffen insiste sur le fait que l'album soit remixé pour sa sortie aux États-Unis. En plus du remix, Sick et Murray réenregistrent les morceaux de basse et de guitare. Cette version revue de l'album est publiée aux États-Unis en avril 84. Slide It In peine à atteindre le top 40 américain, mais il est certifié double disque de platine 3 ans plus tard. Slide It In comprend les hits albums Oriented Rock, Slow and Easy et Love It No Stranger, ainsi que la chanson titre. À ce moment, Geffen souhaite de Coverdale que prenne enfin le succès pour l'Amérique au sérieux. Donc il demande vraiment à David Coverdale, écoute mon ami, maintenant il faut vraiment essayer de s'attaquer au marché américain. En tournée au printemps 84, Mel Gailey se brise le bras lors d'un accident et John Sick devient le seul guitariste pour les dates suivantes. Quelques semaines plus tard, John Lord quitte le groupe pour reformer Deep Purple avec MK. Avec le claviériste Richard Bailey, le groupe joue aux États-Unis avec d'autres artistes de groupe comme Dio ou Quiet Riot. Dio, bien entendu, notre petit lutin, c'est lui qui a inventé les cornes que vous voyez dans le milieu du métal, ou Quiet Riot qui ont repris la chanson Come on Feel the Noise, bien entendu. Voilà. On va s'écouter un quatrième titre avec Looking for Love des Whitesnake. I'm tired of waiting and closing my eyes. I'm asking myself, why is it on my horizon so far away? I look in the mirror, don't like what I see. In my reflection, a stranger is staring at me, looking for love. The love of a woman, the needs of a man. I try so hard, but I don't understand. The search goes on, but over the mountains, across the sea, I know love is waiting. I hear it calling to me, calling my name. We'll be right back. Voilà, donc quatrième extrait un peu plus calme pour nos oreilles, hein. Looking for Love des Whitesnake, album sorti en 1987. Voilà. Alors, le succès aux États-Unis de 85-88. Lancé en 1985, Coverdoll et Sick commencent à écrire un nouvel album. L'approche est plus moderne. Sick jouerait de la guitare solo et rythmique pendant presque tout l'album. Cozy Powell quitte le groupe pour rejoindre Emerson, Lake and Powell, deux musiciens originaires du nord de l'Angleterre, sont recrutés pour l'enregistrement de l'album. Le batteur Ainsley Dunbar et le claviériste Don Airey d'Ozzy Osbourne et de Rainbow. L'album est intitulé 1987 en Europe et Serpent Albus au Japon. Voilà, je vous avais dit qu'il y aura un deuxième nom pour le Japon. L'album s'appelle Serpent's Albus au Japon. Donc, il représente les plus grands succès du groupe aux États-Unis, guidé par l'AR de John Kalodner. Il est certifié octuplus disque de platine aux États-Unis. Le succès de Whitesnake, l'album 87, booste les ventes de Slade It In et devient certifié disque de platine. L'album continue son ascension entre 87 et 88, atteignant la deuxième place au Royaume-Uni et la huitième aux États-Unis. L'album est un succès commercial et en 88, le groupe est nommé d'une Brit Award dans la catégorie du meilleur groupe britannique. L'album comprend les hits Here I Go Again, qui rentre dans le top 100, hein, et la power ballade It's His Love. Super balade d'ailleurs, hein. Donc petite apparenté, quand vous voyez le clip, quand vous regardez le clip, c'est Madame Coverdale qui joue dedans. Il est toujours avec elle d'ailleurs, mais allez voir un peu maintenant à quoi elle ressemble. Là je prends le dessus, hein. On n'en peut rien, mais c'est comme ça. Here I Go Again est le réenregistrement de Saint and the Sinner. Les autres singles et un succès de l'album sont Still of the Night et Give Me All Your Love. Alors après, il y a eu l'album Sleep and Tug de 88 à 99. Pourquoi je vous parle de 10 ans comme ça? Le guitariste Vivian Campbell, qui lui quitte Whitesnake pour des causes de divergence créative, il est parti pour rejoindre un groupe, un petit groupe qui s'appelle Def Leppard. Bon, un jour, on en parlera aussi de Def Leppard. Et la nouvelle formation enregistre l'album Sleep of the Tug. Pour les enregistrements de l'album, le guitariste Adrian Vandenberg, un mec super charmant d'ailleurs, je peux vous un Hollandais qui est très très abordable, il est très grand aussi de par son talent et de par aussi sa taille, mais franchement vous pouvez discuter des heures avec lui, je peux vous l'assurer, se blesse sérieusement et ne peut plus jouer. C'est Steve Vai, encore une personne très charmante aussi, qui le remplacera après la publication Sleep of the Tongue en 89, se vend à 3 millions d'exemplaires et atteint la 10e place des classements américains britanniques. L'album comprend 3 singles, une version retravaillée de la chanson Fool for Your Loving, The Deeper the Love et Now You're Gone. Une nouvelle formation est assemblée pour leur album Whitesnake Greatest Hit en 1994. Ils embarquent pour une brève tournée européenne avec l'ancien guitariste de Rat et Ratété, Warren DiMartini, le batteur Denis Carmisi, le retour du bassiste Rudy Sarzo et le guitariste Adrian Vandenberg et le claviériste. En 1997, Coverdoll et Vandenberg se réunissent pour un nouvel album de Whitesnake, Ruthless Hearts. L'album marque le retour du groupe à ses racines Rhythm Blues. L'album atteint le top 40 britanniques et contient la ballade blues Too Many Tears qui atteint la 46e place des classements britanniques. L'album fait participer fait participer Coverdoll, Carmissi, Vandenberg et le bassiste de la tournée de Pink Floyd, Guy Pratt, et le claviériste Brett Tuggles, qui a joué avec Coverdoll and Page. Voilà, on reparlera après de la reformation. Donc vous voyez, hein, c'est énorme les gens qui ont fait le turnover là-dedans dans ce groupe. C'est énorme. Et encore, là, je vous dis pas tous les noms. Hein. On va s'écouter Crying in the Rain. No one understands. Crying in the Rain, voilà. Alors, la reformation, oui, parce que de 99 jusqu'à 2002, il n'y a rien eu. En décembre 2002, The Coverdoll réunit Whitesnake pour une tournée spéciale 25 ans. À cette tournée, il est rejoint par Doug Aldrich de Dio, Reb Beach et Winger, le bassiste Marco Mendoza, le batteur Tommy Aldridge et le claviériste Timothy Drury. En 2003, il participe au Rock Never Stop Tour avec d'autres groupes de rock célèbres. Leur formation de tournée reste stable au début de 2005, mais Mendoza quitte le groupe pour former Soul Circus et est remplacé par Uriah Duffy. En février 2006, Whitesnake publie un DVD live intitulé Live It Still of the Night. Annonce une tournée au Japon et en Europe. En juin 2006, Coverdoll a annoncé avoir signé Whitesnake avec Street Hammer, donc SPV Record, qui publiera un album live intitulé Live in the Shadows of the Blues en novembre 2006, et au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse et en Autriche. En juin 2007, le groupe publie un double CD DVD intitulé 1985 Anniversary Collector Edition pour marquer le 20e anniversaire de leur album 87. Cette version remasterisée de l'album contient un coffret Shadows of the Blues Live. Il comprend aussi 4 chansons bonus. En décembre 2007, Aldridge quitte le groupe et est remplacé par Chris Frazier, qui a travaillé avec Eddie Money, Edgar Winter et The Tech Matsumoto Group. Got to Bad Band 2008-2010. En mars 2008, Whitesnake joue au festival Rock to WGT, qui fait ainsi participer Ozzy Osbourne, Kiss, Poison, Alice Cooper et Lordi. En avril 2008, le groupe publie son 10e album Got to Be Bad, qui atteint la 5e place au UK Album Chart. En été 2008, Whitesnake participe à une tournée britannique avec Def Leppard. Le 11 février 2009, Whitesnake annonce leur venue au Download Festival le 14 juin via leur site. Le 17 mars 2009, Whitesnake est annoncé en soutien à Judas Priest en leur tournée américaine. Au début de février 2010, David Coverdoll annonce avoir retrouvé sa voix à la suite d'un accident. En juin 2010, Whitesnake annonce la sortie du nouveau vin. En 2008, Zinfandel. Le 18 juin 2010, Whitesnake se sépare du bassiste Urien Ducey et du batteur Chrissy Frazier à l'arrivée du batteur de Billy Idol, Brian Tichy. Le 20 août 2010, Whitesnake annonce l'arrivée de leur nouveau bassiste Michael Devan. Le 13 septembre 2010, le claviériste Timothy Drury annonce son départ de Whitesnake pour une carrière solo. Drury revient au clavier pour l'album Forevermore. Forevermore, donc de 2011 à 2015. Whitesnake publie Forevermore le 25 mars 2011 et en Europe et le 29 juin en Amérique du Nord. Une version numérique du single Love Will Set You Free est publiée le 21 février. L'album Forevermore est publié en édition spéciale Snake Pack au magazine Classic Rock le 25 mars 2011. Le 20 mars 2011, Whitesnake annonce l'arrivée du claviériste Brian Reudy au Forevermore World Tour. En juillet 2012, David Coverdale annonce un album live et un DVD de la tournée Forevermore en production et en édition longue de Into the Light et de Ruthless Earth. Un album live, Live in Domington, en 1990, est publié le 20 mai 2011 au Japon, le 3 juin en Europe et le 7 juin aux États-Unis. En novembre 2012, Whitesnake et Journey annoncent une tournée britannique 2013. Bon, les vénards. The Purple Album. C'est depuis 2015, hein, le février 2015, le groupe annonce The Purple Album via Frontier Records. Le 13 avril, le chanteur et instrumentaliste Michel Lupi a annoncé le remplacement de Brian Ridley. L'album débute 84e place au Billboard 200 avec plus de 6 millions 900 000 exemplaires vendus en une semaine. C'est pas mal. Hein. Voilà. Après, je vais vous donner un petit débriefing. Mais avant ça, on va s'écouter la power ballade. La fameuse ballade It's His Love. Pour tous ceux qui ont eu l'occasion de voir ce clip, ben ce clip nous a fait rêver. Moi, je peux vous le dire, hein, quand Madame Coverdale est sur les écrans. Alors, quelques chiffres quand même, hein, comme ça pour le fameux Whitesnake 1987. Il est sorti le 7 avril 87. Il a été enregistré de septembre 86 en mars 87 au Little Mountain Sound Studio de Vancouver et le Phase One Studio de Toronto, Canada, le Cherokee Studio et le One on One de Studio de Los Angeles, Compass Point Studio à Nassau, aux Bahamas. Donc vous voyez, même là aussi, ils se sont amusés à faire un petit peu le tour, un petit peu partout. Il dure 42 minutes, c'est du hard rock heavy metal. Il a été produit par Mike Stone et Kate Olsen. Il est sorti sur le label Geffen pour les USA, EMI Mondial Disc et Carrière pour la France. Je vous donne quelques chiffres comme ça, hein, c'est pour vous faire plaisir. Hein. Alors, Adrian Vandenberg a participé sur le solo de Here I Go Again. Et il faut savoir aussi, donc je vous parlais tout à l'heure, la femme de David Coverdale, Taiwani, donc si vous voulez chercher sur internet, Taiwani Kitten apparaît sur les clips de cet album. Une réédition remasterisée de l'album contient un DVD avec les clips concernant et concerts qui a été publié pour les 20 ans de l'album, comme je vous disais tout à l'heure. Très très bon album, hein, rien à dire. Alors le groupe, il est composé de David Coverdale au chant, John Sick guitare au chœur, Neil Murray à la basse, Ashley Dunbar à la batterie, musicien additionnel, ben Dan Huff guitare sur Here I Go Again version 87, Danny Carmesi batterie sur Here I Go Again 87, Adrian Vandenberg solo sur guitare sur Here I Go Again, Bill Cueno au clavier et Don Ayre au clavier. Voilà, donc je vous ai dit, hein, il y a eu énormément de passages au sein de Whitesnake. J'espère que vous en avez appris sur un peu sur Whitesnake, sur sa fameuse album que je vous conseille d'acheter. On le trouve encore à un bon petit prix. Donc c'était Whitesnake 1987 et on va se quitter juste avec Here I Go Again. Vous allez voir directement, vous allez entendre à dire ah oui, j'ai déjà entendu. Allez, ciao les amis, à la prochaine pour la prochaine backstage. La semaine prochaine avec quoi, je sais pas encore. Songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for. du débat, des infos, des invités. Ce sera musclé. Mais dans la bonne humeur. Même les voisins en redemandent.